celui qui est la vie. Alors je pousse les murs pour voir le ciel. Je suis mature pour les merveilles. Je suis un homme qui croque la pomme de la confiance en l'existence. Je suis un homme qui croque la pomme de la confiance en l'existence. Et je rêvasse au grand galop avant que l'âge ne me casse un petit morceau de mystère. Sans une ride, prise de guerre qu'on dilapide. Car je suis un homme qui croque la pomme de la confiance en l'existence. Je suis un homme qui croque la pomme de la confiance en l'existence. Confiance en l'existence.